Chapitre 10e. Ce ne fut pas dans la nuit que la République fut proclamée, ce fut le lendemain dans la journée. Il n'entre pas dans le plan de ce récit de raconter le 4 septembre, ni les événements historiques qui ont suivi cette révolution. Ces événements ne figureront dans ce roman qu'autant qu'ils auront exercé une influence directe sur ses personnages. Antoine avait quitté l'hôtel de son neveu le samedi, dans la soirée. Chargé de la valise pleine de revolvers et de cartouches qu'il devait distribuer à ses amis. On ne l'avait revu ni dans la nuit, ni dans la matinée, ni dans la journée, ni dans la soirée du dimanche. Et pendant cette journée, un empire qui avait vu sa puissance confirmée par une immense acclamation du pays s'était écroulé en quelques minutes, sans que rien restât de lui, pas même un débris ou une épave. Ceux qui auraient dû le diriger et le soutenir avaient disparu. Frappés de panique et de vertige, n'osant pas plus résister que ne l'avait osé leur chef 2 jours auparavant, abandonnant tout pour se sauver au plus vite, oubliant tout, ne pensant à rien ni à personne, excepté à leur peau et à eux-mêmes. Bien que Thérèse ne fût point un caractère pusillanime, elle avait passé cette journée dans l'angoisse. Car elle savait que le premier coup de feu qui serait tiré le serait par son père. 10 fois, le colonel était sorti et rentré. D'heure en heure, pour ainsi dire, il devait raconter la marche des événements. Mais le rôle que jouait Antoine dans ces événements, il l'ignorait. Cependant, il s'était efforcé de la rassurer. Puisqu'il n'y avait pas eu la plus légère tentative de résistance, il n'y avait pas eu un seul coup de fusil tiré. Antoine n'avait donc couru aucun danger. Les défenseurs du gouvernement avaient disparu comme des ombres impalpables. Mais à cela, elle répondait que Paris est grand, et que s'il n'y avait pas eu de coups de fusil aux Tuileries, il n'en était peut-être pas de même dans les faubourgs. Elle aurait voulu sortir, chercher elle-même, voir et s'informer. Mais où aller? Et puis son père ne pouvait-il pas revenir d'un moment à l'autre? Le soir seulement. Elle avait appris quelque chose de précis, qui avait calmé son angoisse. Depuis que Horace n'était plus valet de chambre, il avait pris des habitudes d'indépendance qui, selon son sentiment, étaient une des prérogatives de ses fonctions d'intendant. Il allait, venait et sortait sans s'astreindre à aucune règle, et il n'en était certain de le trouver que de 10 heures à midi, à son bureau, quand il recevait des fournisseurs. Le reste du temps, il l'employait selon sa fantaisie, demeura à l'hôtel quand il était fatigué, se promenant ou faisant des visites quand il était reposé. Ainsi, le dimanche, il avait pour principe d'assister à la messe de midi à la Madeleine, et rien n'eût pu l'y faire manquer. La Madeleine n'était pas sa paroisse, mais c'était son église de choix. Il l'aimait non pour elle-même, mais pour la société qu'il y rencontrait. Très attentif et très recueilli pendant la messe, il sortait de l'église aussitôt lité missa est et posté sur une marche de l'escalier, la poitrine bombée, la tête haute, il prenait un plaisir extrême à voir les femmes descendre les marches. Plus d'une, en passant devant lui, regardait ce beau nègre qui souriait en montrant ses dents blanches. C'était pour celle-là qu'il se mettait en frais d'élégance et de coquetterie, se ruinant chez le tailleur, le chemisier et le parfumeur. Ah, s'il pouvait se faire décorer d'un ruban quelconque, bien voyant, rose, blanc ou bleu, rien ne manquerait à son bonheur. Il serait le plus heureux du monde. Suivant sa coutume, il s'était rendu ce dimanche-là à la Madeleine. Mais alors, un bataillon de la garde nationale campait devant l'église. Un autre arrivait sur le boulevard, enveloppé dans une foule compacte qui criait « la déchéance ». Et il s'était trouvé pris dans cette manifestation qu'il avait entraîné place de la Concorde, puis ensuite au corps législatif, si bien qu'il n'avait pas assisté à la messe. Lorsqu'il rentra le soir à l'hôtel, il demanda où était Mademoiselle Thérèse. On lui dit qu'elle était dans le grand salon du rez-de-chaussée avec le colonel, alors il alla dans ce salon. Peut-être Mademoiselle est-elle inquiète de Monsieur Antoine, dit-il en s'adressant à Thérèse avec son meilleur sourire. Tu as vu mon oncle? S'écria le colonel. Je n'ai vu que lui. « Je vous en prie, » dit Thérèse. « Oui, mademoiselle, je vais tout vous raconter. Seulement, si vous voulez, je vais commencer par le commencement, pour ne pas m'embrouiller. après vous avoir assuré qu'il va bien, ce qui est l'essentiel, n'est-ce pas ? Cela dit, Horace, ayant pris la pose d'un homme qui va faire un long récit, se recueillit un moment et commença. J'étais sorti pour aller à la Madeleine, dans l'intention d'assister, il allait dire à la messe. Mais il regarda son maître du coin de l'œil et s'arrêta, craignant que celui-ci ne se permît quelques réflexions. J'étais donc allé à la Madeleine, dit-il en continuant, mais en arrivant devant l'église, je rencontrai des gardes nationaux et une grande foule. On criait la déchéance, et l'on se dirigeait vers la place de la Concorde. Je suivis la foule, ce qui est bien naturel, n'est-ce pas ? Curieux de voir ce qui allait se passer. On causait dans cette foule, et en écoutant, j'appris qu'on avait proposé dans la nuit de voter la déchéance de l'empereur et de sa dynastie. Le corps législatif s'était ajourné à midi pour examiner cette proposition, et l'on venait voir, la garde nationale et le peuple, ce que le corps législatif allait décider. Il y en avait dans la foule qui disaient que la déchéance suffisait, d'autres qui voulaient la République. « C'est bien, » dit le colonel, « passe-nous ces détails et arrive à mon oncle. » Tout de suite. « Seulement, vous savez que si vous voulez me faire aller trop vite, j'irai plus doucement parce que je m'embrouillerai. Il vaut donc mieux me laisser vous conter les choses telles que je les ai vues. « Je sais que mon père est en vie, » dit Thérèse. « Cela est le point capital. Faites donc votre récit comme vous voudrez. »« N'est-ce pas, mademoiselle ?» dit Horace en se redressant, tout fier de cette approbation féminine, et en regardant son maître pour voir si celui-ci oserait répliquer. Mais le colonel n'ayant point répliqué, Horace continua. La place de la Concorde, les Champs-Élysées, les rues voisines, les quais, ne tardèrent pas à être remplis par la foule et par la garde nationale. Au bout du pont de la Concorde, on apercevait des gendarmes à cheval qui empêchaient de passer. Mais on ne paraissait pas pressé de passer. On s'entassait sur la place et l'on défilait autour de la statue représentant la ville de Strasbourg qui portait un drapeau dont la hampe était terminée par un aigle. J'étais venu me placer auprès de cette statue pour voir le défilé. Autour de moi, il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas laisser l'aigle au drapeau. Aussitôt, un gamin escalade la statue et jette le drapeau à bas. Mais on le ramasse. Celui qui le ramasse, c'était M. Antoine. Il est entouré d'amis qui lui font la courte échelle, si bien qu'à son tour, il escalade la statue presque aussi légèrement que le gamin. Il tient le drapeau d'une main. Arrivé en haut de la statue, il s'arrête, et agitant le drapeau, il dit qu'il faut que la brave ville de Strasbourg soit couverte par le drapeau de la France, mais qu'il ne faut pas qu'elle soit déshonorée par l'aigle impérial. Et il arrache l'aigle, qu'il jette à bas. Puis ayant fixé le drapeau, il crie d'une voix qui est entendue au loin, « À bas l'Empire, vive la République !» Et d'autres voix répondent, « Vive la République !» Mais pas tout le monde. Là-dessus, les sergents de ville... Thérèse laisse échapper un mouvement de crainte. « N'ayez pas peur, mademoiselle !» poursuivit Horace. « Il n'est rien arrivé de mal à M. Antoine. » Je vous disais donc qu'un poste de sergent de ville établi au coin de la rue de Rivoli, entendant crier « Vive la République !» se jette sur la foule. Mais on ne les laisse pas avancer. On les entoure. On les prend au collet. On leur arrache leurs épées, on déchire leurs habits, et pendant qu'ils se sauvent, on dépose leurs épées devant la statue. « Pour la première fois, depuis 20 ans, dit M. Antoine parlant à la foule, la police se sauve devant les citoyens. L'Empire est mort, vive la République !» Et cette fois, presque tout le monde crie avec lui « Vive la République !» Il paraît que la fuite des sergents de ville avait donné de la voix à ceux qui tout d'abord n'avaient pas osé crier. Ils en ont même tant retrouvé qu'ils se mettent à chanter la Marseillaise. Mais M. Antoine n'a pas quitté la statue, alors il se met à adresser un discours à la foule. Horace parut chercher un moment dans la mémoire les paroles mêmes de ce discours, mais ne les trouvant pas sans doute ou bien craignant d'être trop long, il se contenta de les résumer. Il dit que la France doit se lever en masse pour repousser l'invasion, mais que la première chose à faire pour le moment et à faire vite, c'est d'en finir avec le gouvernement qui a jeté le pays dans cette guerre folle et qui est incapable de le défendre. On l'applaudit, on crie « À bas l'Empire, vive la République !» Et voyant les courages et les enthousiasmes excités, M. Antoine entraîne ceux qui l'écoutent vers le pont de la Concorde. Bien entendu, je le suis. Je me doute bien de ce qui va arriver. On va vouloir forcer le passage du pont. La gendarmerie va vouloir le défendre. Et pif, j'ai vu dans les poches de M. Antoine deux crosses de revolver qu'il m'a semblé reconnaître. Mais ce n'est pas une raison pour m'arrêter. Mon colonel sait bien que je n'ai pas peur des balles et je serais flatté s'il voulait bien le dire à Mademoiselle Thérèse. « C'est vrai, » dit le colonel, pris ainsi à témoin. « Tu es un brave garçon, tout le monde le sait. » Oui, mais cela me flatte que mademoiselle le sache, parce qu'elle est la fille du plus brave homme que j'ai jamais vu. Nous arrivons donc au pont, mais les gendarmes ne veulent pas nous laisser passer. Ils ont une consigne, et sans s'inquiéter des cris, ils entendent la faire exécuter. Je trouve qu'ils ont raison, et j'ouvre les oreilles pour écouter les pifs, mais pas du tout. Monsieur Antoine parle à ceux qui l'entourent, et il me semble qu'il les engage à ne pas mettre leurs mains dans leurs poches. Puis il s'éloigne, mais en faisant signe à ses amis de rester. Je pense qu'il est bon de rester aussi, et je ne bouge pas. Au bout d'un certain temps, voilà deux bataillons de la garde nationale qui arrivent et qui poussent les gendarmes. Ceux-ci veulent tenir bon, mais ils sont emportés. Et de loin, j'aperçois Monsieur Antoine, qui est au premier rang. Je comprends qu'il a été chercher la garde nationale, ce qui empêchait les coups de fusil de partir. « Mais va donc, » dit le colonel. « Je m'étais promis autant que possible de ne pas perdre M. Antoine de vue. Je le suis donc d'aussi près que je peux. Et nous arrivons devant le péristyle du palais, qui est couvert de monde, criant « Vive la garde nationale !» Celle-ci, flattée de ses cris, s'aligne sur le quai. Mais M. Antoine ne perd pas son temps. Il aperçut à moitié ouverte une grille donnant dans une cour. Il entre par là. Le gardien veut l'arrêter. Ils se prennent au collet. Des soldats courent d'un côté, des gardes nationaux de l'autre. Il y a un moment de bagarre et nous entrons. On referme la grille derrière nous, mais cela m'est bien égal. Un officier s'avance, comme pour arrêter M. Antoine, mais celui-ci parle aux soldats, qui mettent la crosse en l'air. Pendant ce temps, la grille se rouvre, et en quelques secondes, le péristyle et la cour sont envahis. Je suis toujours M. Antoine, tantôt de près, tantôt de loin, et nous nous trouvons dans une belle salle où il y a des statues. « Et l'on ne te dit rien ?» demanda le colonel. « Si, il y a un garde national qui me dit « Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce Moricaud ?» À quoi notre garde national répond « Qu'il n'y a plus de Moricaud, que tous les hommes sont frères, ce que je trouve pour moi très bien répondu. Cependant, il y a des députés qui veulent nous empêcher d'aller plus loin. » Il en vient un petit gros, souriant, l'air malin et moqueur, qui nous supplie d'attendre patiemment que le corps législatif fait voter sur la demande presque unanime de la population. « Vous n'osez donc pas prononcer le mot de déchéance ?» crie M. Antoine, et le député souriant ne dit plus rien. Un autre député le remplace, celui-là est grand, avec une belle figure et une voix superbe. Il dit qu'il faut que tous les démocrates soient unis en face de l'ennemi. « Ils le sont, » crie M. Antoine, « pour la déchéance et la République. » Alors un grand cri s'élève qui couvre la voix des députés. « La déchéance !» Un petit vieux ratatiné monte sur une banquette. C'est encore un député, mais il n'a pas du tout de voix. Heureusement, je me trouve tout près de lui. « Au nom des saintes libertés, » dit-il, « ne compromettez point ce que nous désirons tous voir proclamé. » « Le nom de République ne peut donc pas sortir de vos lèvres ?» crie M. Antoine. Et tout le monde se met à crier et à applaudir, car c'est vraiment le mot de la situation. Ils parlent bien tous, ces députés, seulement ils font des phrases, et ils tournent autour de ce qu'il y a à dire, comme s'ils n'osaient pas le dire. « Ils se souviennent du 2 décembre, » interrompit le colonel. Voilà un autre vieux député à cheveux blancs, à figure rouge, rasé comme celle d'un évêque, qui arrive entouré d'officiers de la garde nationale. On dit que c'est le président. Il veut faire un discours et il dit qu'il a toujours été dévoué à son pays, ce qui lui donne le droit de faire entendre quelques conseils. Il faut laisser le corps législatif délibérer en paix sur la question qui préoccupe tout le monde, afin que la Chambre ne paraisse pas délibérer sous la pression du peuple. En entendant parler de la question qui préoccupe tout le monde, on se met à rire. En voilà encore un qui ne veut pas appeler les choses par leur nom. Puis après avoir ri, on siffle. Et le mot que le président n'a pas voulu dire, c'est la foule qui le prononce. On crie « Vive la République !» si bien que le président s'en va, voyant qu'il n'a rien à faire. Il s'élève un grand tumulte. M. Antoine monte sur une banquette et avec un morceau de crayon, il écrit en grosses lettres sur la muraille « Déchéance et République immédiate !» On applaudit. Cela rétablit un peu de calme. Un nouveau député en profite pour nous dire qu'il faut attendre en paix les résolutions que les députés vont prendre. Il faut que les députés puissent discuter librement sur la proposition que l'on se répète depuis ce matin. Là-dessus, vous pensez si les cris et les sifflets éclatent. C'est décidément un parti pris de ne pas prononcer les mots dangereux. Cependant, un député plus décidé dit qu'il faut attendre que la déchéance soit votée, qu'il suffit de quelques instants de calme, qu'elle va l'être. Encore si tu savais les noms, dit le colonel. Les noms, je ne les ai pas entendus ou je les ai oubliés. Enfin, celui-là a parlé comme on voulait. Il engage une discussion avec M. Antoine qui n'arrive pas jusqu'à nous. Mais on comprend bientôt ce qu'ils ont dit, car voilà que tout à coup M. Antoine, qui avait été le plus ardent pour entrer, se met devant la porte, dit qu'il faut laisser la chambre voter la déchéance, et il défend la porte contre tout le monde. Je vous assure que s'il avait été chargé de défendre la grille, personne ne serait entré. Cependant, la foule était devenue de plus en plus compacte. On se tassait, on se poussait, on criait. Et il fallait une terrible énergie à M. Antoine et à ses amis pour défendre la porte. J'avais à côté de moi un monsieur qui ne criait jamais, mais qui riait souvent, et qui paraissait n'être venu là que pour s'amuser. « Voilà un brave homme, » dit-il en montrant M. Antoine, qui ne comprend pas la situation. Il ne comprend donc pas que ces députés veulent être violés. S'ils n'ont pas l'excuse de la violence, ils ne voteront jamais la déchéance. Moi, je comprenais cela, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont envie de céder et qui cependant... Mais Horace s'arrêta dans son explication devant un coup d'œil expressif de son maître. Après un court moment de repos, il reprit. Il faut croire que M. Antoine comprit la situation ou bien qu'on la lui expliqua, car tout à coup lui et ses amis cessèrent de défendre la porte. Alors, la foule tumultueuse se précipite dans des salles et des corridors. On est poussé, emporté, on enfonce des portes à coups de crosse. Enfin, après avoir été ballotté, écrasé, j'arrive dans une grande salle, qui est celle des séances, elle est pleine. Il y a des gardes nationaux, des gardes mobiles de sac au dos, des bourgeois, des ouvriers, et dans les tribunes, des dames en toilette. Il n'y a plus de président, mais à sa place une douzaine de gardes nationaux. Un député est à la tribune. On me dit le nom de celui-là. Je l'ai retenu, Gambetta. Il parle, et on l'écoute. Il dit « Nous déclarons que Louis-Napoléon Bonaparte et sa dynastie ont à jamais cessé de régner sur la France. » Une immense acclamation s'élève avec des applaudissements et des cris de « Vive la République ». Un tambour bat au champ. J'aperçois M. Antoine debout sur un banc. Il crie « Maintenant, proclamez la République !» Un autre député monte à la tribune, une figure longue avec des cheveux blancs. Je n'entends pas ce qu'il dit. M. Gambetta le remplace bientôt et dit d'une voix qui domine le tumulte « Oui, vive la République ! Allons la proclamer à l'hôtel de ville !» Il se fait un grand mouvement de sortie. Je suis porté dehors. Là, je me trouve auprès de M. Antoine. Il me reconnaît. « Si vous rentrez, me dit-il, annoncez ma fille que la République est proclamée. » Et il me donne une poignée de main à me briser les doigts. « Alors je veux rentrer pour rassurer mademoiselle. » Mais je rencontre M. Faugerolles sur la place de la Concorde et nous entrons aux Tuileries. Plus personne. L'impératrice est partie, tout le monde l'avait abandonnée. Elle n'a eu qu'un ami pour l'accompagner. Est-ce triste cela? S'il avait eu un noir dans sa maison, il sera resté près d'elle. Voilà tout ce que je veux dire.